السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أسماء الله سبحانه وتعالى الديان، وهو اسم ثابت لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Chers auditeurs, nous allons étudier un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Ad-Dayyan. Ad-Dayyan est un nom parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été affirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawal imam Ahmad fil musnad wal Bukhari fil adab al mufrad wa ibn Abi Asim fil sunnah wal hakim fil mustadrak wa ghayruhum an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal. Le hadith qui permet d'affirmer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ad-Dayyan a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad rahimahullah, de l'imam dans le livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, dans Sunnah d'Ibn Abi Asim et dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim et d'autres encore, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه فقال للبواب قل له جابر على الباب قال ابن عبد الله قال نعم أو قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معه شيء قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات زاد الحاكم وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Ce grand hadith d'après Jabir ibn Abdillah, on m'informa d'un hadith transmis par un homme qu'il avait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donc acheté un chameau. J'ai attaché sur son dos ma selle. Et j'ai voyagé vers lui durant un mois jusqu'à arriver au Sham. Le Sham étant la région comprenant la Syrie, le Liban et leurs environs. C'est alors que je trouva Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais, il enjoignit au portier, annonce-lui que Jabir est devant la porte. Ibn Abdillah, demanda-t-il. Oui, acquiesça Jabir. Donc Jabir nous dit, je répondis oui. Alors Abdullah ibn Unais sortit en marchant sur son vêtement. Et probablement par un pressé de rencontrer Jabir ibn Abdullah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'embrassa alors et je l'embrassa. Je lui dis, j'ai entendu de toi, ou il m'est parvenu de ta part, que tu as entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononcer un hadith sur Al-Qisas. Sur Al-Qisas, sur le talion. J'ai donc eu peur que tu meures ou que je meure avant de l'entendre. Il me dit, donc il lui raconte le hadith. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens seront ressuscités le jour de la résurrection, ou a-t-il dit les serviteurs. Nu, incirconcis, dépouillé de tout bien. Littéralement, Bohma. Nous dîmes, que signifie Bohma? Il dit, sans posséder quoi que ce soit. C'est-à-dire sans rien. Puis il les interpellera d'une voix qui sera entendue aussi bien par celui qui est proche que par celui qui est éloigné. Je suis le roi, je suis le Dayan, le rétributeur. Il n'appartient à aucun habitant du feu d'entrer en enfer alors qu'il a encore un droit auprès d'une personne des habitants du paradis, jusqu'à ce que je lui arrache, jusqu'à ce que je lui restitue. Et il n'appartient aucun habitant du paradis d'y entrer avant que je lui arrache un droit qu'un habitant du feu a auprès de lui, fût-ce une gifle. Il dit, nous dîmes, comment cela sera-t-il possible alors que nous nous présenterons devant Allah nus et incirconcis sans rien posséder? Il dit, avec les hasanat et les sayyiat, avec les bonnes et les mauvaises actions. L'imam al-Hakim a ajouté, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita, le jour où chaque âme sera rétribuée selon les œuvres, selon les œuvres accomplies. Aucune injustice n'aura lieu en ce jour. Aucune injustice n'aura lieu en ce jour. Ad-Dayyan est donc un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à son sens, il signifie Al-Mujazi Al-Muhasib, le rétributeur, celui qui fera les comptes, le rétributeur, celui qui fera et demandera des comptes. Wallahu jalla wa ala yajma'u al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamati 'uratan laysa 'alayhim thiyab. Hufatan bila ni'al, ghurlan ay, ghayru makhtunin, ou mukhtatanin. Buhma laysa ma'hum shay'un min mata'i d-dunya, thumma yujazihim wa yuhasibuhum ala ma qaddamu fi hayatihim d-dunya min a'mal, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الديان signifie donc le rétributeur, celui qui fera et demandera les comptes. Allah, élevé soit-il, réunira les premiers et les derniers le jour de la résurrection. Ils seront nus, c'est-à-dire sans porter de vêtements, pieds nus, c'est-à-dire sans chaussures, sans rien aux pieds, rurlan, c'est-à-dire incirconcis, bohma, c'est-à-dire sans rien posséder parmi les biens de ce bas monde. Puis il les rétribuera, fera leur compte selon ce qu'ils ont fait et avancé dans ce bas monde comme action. S'ils ont fait le bien, alors ils trouveront le bien. Et si c'est le mal, alors ça sera le mal. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dans sourate Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice. Certes, Allah est prompt dans les comptes. Certes, Allah est prompt dans les comptes. Dans sourate Al-Anbiya, قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي سورة الزلزلة قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce le poids d'une petite fourmi, ou plutôt, fût-ce le poids d'un petit grain de moutarde, nous le ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et dans Zalzala, quiconque fera un bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'une petite fourmi, le verra. Dans sourate An-Nisa, قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي سورة آل عمران قال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dans sourate An-Nisa, certes Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une petite fourmi. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Certes Allah n'opprime personne, fût-ce le poids d'une petite fourmi. Et si c'est une bonne action, il la décuple et accorde de sa part une énorme récompense. Et dans Sourate Ali Imran, le jour où chaque âme se retrouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Allah est compatissant envers ses serviteurs. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويوم القيامة يسمى يوم الدين، ويوم القيامة يسمى أو يوم القيامة يسمى يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب. Le jour de la résurrection est appelé le jour des comptes. Pourquoi cela ? Car c'est le jour dans lequel il y aura la rétribution et les comptes. قال الله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها. Dans sourate Al-Fatiha, maître du jour du din, c'est-à-dire maître et roi du jour de la rétribution. Ad-din ici, c'est la rétribution. Du jour de la rétribution pour les actions et du jour des comptes. Yadullu ala dhalika qawluhu ta'ala yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. أي حسابهم وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وقوله تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون وقوله أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. Donc يوم الدين, le jour du din, c'est le jour de la rétribution. Parce que le mot ad-din a plusieurs sens, comme la religion. Il a comme sens la rétribution et les comptes. Nous indique cela, ce passage dans Surat An-Nur. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Dinahumul haqq. Ici, le sens est leur vraie rétribution. C'est-à-dire leur compte. Il fera leur compte. Et dans Surat Ghafir, que nous avons déjà mentionné, ce jour-là, chaque âme sera rétribuée. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Selon ce qu'elle aura acquis. Et dans Surat Al-Jathiyah, chaque communauté sera... On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Dans Surat Al-Saffat, A inna lamadinun. Nous aurons à rendre des comptes. Nous aurons à rendre des comptes, c'est-à-dire nous serons rétribués et on fera nos comptes. Voici le sens de ce terme. وَإِذَا عَرَفَ الْعَاقِلُ أَنَّ رَبَّ سُبْحَانَهُ دَيَّانُ وَأَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمُ جَزَاءٍ وَحِسَابٍ وَأَنَّهُ سَيَلْقَى اللَّهَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَا مَحَالَةَ وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَيَجِدُ أَعْمَالَهُ كُلَّهَا مُحْضَرَةً خيرها وشرها حسن حسنها وسيئها فإنه سيحسب لذلك اليوم حسابه ويعد له عدته. أو عدته. La personne, ou plutôt, si la personne douée d'intelligence, douée de raison, ou bien à partir du moment où la personne douée de raison sait que son Seigneur, exempt soit-il de tout défaut et de toute imperfection, est Dayan, est rétributeur et qu'il fera les comptes et rétribuera. Et que le jour de la résurrection est le jour de la résurrection est le jour de la rétribution et des comptes. Et que ce jour-là, il aura rencontré Allah Azza wa Jal de manière inéluctable. Ça ne pourra être autrement. Dans ce jour-là, il trouvera ses actions présentées. Le bien qu'il a fait comme le mal qu'il a fait. Les bonnes œuvres comme les mauvaises. Celui qui sait tout cela, sans aucun doute. Sans aucun doute, il fera ses comptes, il se préparera. Il se préparera pour ce grand jour. Il lui accordera énormément, énormément d'importance pour pouvoir y faire face. وروى الإمام أحمد في الزهد وماذا عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. Donc l'imam Ahmed rapporte dans son livre Az-Zuhd, les hommes mentionnés sont fiable, si ce n'est qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission, que Abu Qilaba, un des hommes très pieux parmi les anciens, une personne de science, dit Abu Darda, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit le bien ne s'use jamais et le péché n'est jamais oublié et le rétributeur ne dort pas. Donc sois comme tu l'entends. Soit comme tu l'entends et comme tu fais, tu seras rétribué. Selon tes œuvres, tu seras rétribué. فالكيس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل والعاجز من أهملها سادرة في غيها وأتبعها هواها إلى أن يفاجأ إلى أن يفجأها أو يفجأه الندم. La personne douée d'intelligence est celle qui fait ses propres comptes, juge ses propres actes, tant qu'elle est dans la demeure où on lui laisse un répit où elle peut encore agir. Quant à la personne incapable et faible, elle est celle qui la laisse dans son égarement, qui la laisse errer dans son égarement et lui permet de suivre sa passion jusqu'à ce que les regrets le surprennent. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ابن أبي الدنيا rapporte dans son livre Muhasabatun Nafs, fait de faire ses propres comptes, selon le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il disait, faites vos comptes, ou jugez vos âmes avant qu'elles ne soient jugées, et pesez vos actions avant qu'elles ne le soient. Avant qu'elle ne le soit. Car en effet, cela sera plus simple pour vous, pour les comptes de demain, que de faire vos propres comptes dès aujourd'hui. Votre jugement sera plus aisé si dès aujourd'hui vous le faites, vous faites vos comptes dans ce bas monde, vous regardez ce que vous avez avancé comme bien, vous remerciez Allah, vous regardez ce que vous avez avancé comme mal, vous en repentez, ainsi de suite. Puis il dit, وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ et embellissez-vous et parez-vous pour le jour de la grande présentation. C'est-à-dire, le jour des comptes, on sera présenté à Allah Azza wa Jal. يَوْمَذِنْ تُعْرَضُونَ ce jour-là, vous serez présenté. لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا et rien de ce que vous avez fait ne sera caché. Allahu Akbar. أولا يذكر الظالم الغشوم هول المطلع وشدة الحساب وقول الديان سبحانه في ذلك اليوم؟ لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. L'injuste ne va-t-il pas se rappeler? Le tricheur ne va-t-il pas se rappeler la lourdeur et l'effroi ainsi que la difficulté du jugement du jour dernier? Tout comme la parole du rétributeur, exempt soit-il de tout défaut en ce jour? Il n'appartient à aucun parmi les habitants de l'enfer d'entrer en enfer alors qu'il a encore un droit auprès d'un des habitants du paradis jusqu'à ce que je lui redonne, je le lui arrache. Il n'appartient à aucun habitant du paradis d'entrer au paradis alors qu'il a encore un droit sur un des habitants de l'enfer jusqu'à ce que je le lui arrache ou le lui rende. Fût-ce la gifle. C'est-à-dire même s'il lui a mis un seul coup et qu'il doit entrer au paradis, il attendra de reprendre son droit sur la personne qui doit entrer en enfer avant d'y entrer. Et l'injuste, le polythéiste qui doit entrer en enfer, n'entrera pas tant qu'il a encore un droit auprès d'une personne des habitants du paradis. Allahu Akbar. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on lui redonnera le droit à cet habitant de l'enfer. Et seulement après, il y entrera. Seulement après. L'habitant du paradis aussi pourra y entrer. Et l'injuste doit se rappeler ces sens-là. Le tricheur doit se rappeler ces sens-là afin que ça le fasse revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il se réforme, se corrige et demande pardon. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الحساب حينئذ والناس إنما يقدمون على الله يوم القيامة عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ou lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il y aura les comptes et comment est-ce qu'on va rembourser ces injustices alors qu'on avancera chez Allah le jour de la résurrection nu, incirconcis, sans rien posséder. Donc on ne pourra pas rendre de l'argent volé ou des choses comme ça. Donc comment cela se produira-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec les bonnes actions et les mauvaises. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se saisira de l'injuste et on lui prendra de ses bonnes actions pour les redistribuer à celui qu'il aura opprimé dans ce bas-monde. S'il n'a pas de bonnes actions, alors on prendra les péchés de celui qui a été opprimé dans ce bas-monde pour les mettre sur l'injuste jusqu'à ce qu'il tombe en enfer. Comme dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Atadruna ma al-muflis?" قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال ان المفلس من امتي يوم القيامه بصلاه وصيام من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est le ruiné? Qui est celui qui est ruiné? Les compagnons dirent: le ruiné parmi nous est celui qui n'a pas d'argent et qui ne possède aucun bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: le ruiné parmi les membres de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, avec des jeûnes, avec des aumônes, des zakats. Mais il viendra après avoir insulté un tel. Après avoir accusé un tel de fornication ou autre. Après avoir mangé les biens de un tel. Après avoir versé le sang d'un tel. Après avoir battu, frappé un tel. On donnera alors à ces gens-là de ces hasanat. À un tel de ces hasanat et à tel autre de ces hasanat. Si ses bonnes actions s'épuisent, avant que son jugement ne soit terminé, on prendra alors de ses péchés, ou bien on prendra alors de leurs péchés, les péchés de ceux qu'il avait opprimés. On prendra alors de leurs péchés. Et on lui jettera dessus. Puis il sera jeté en enfer. Rapporté par l'imam Muslim. Fala ilaha illallah, celui qui opprime les serviteurs d'Allah dans ce bas monde. Celui qui fait couler le sang dans ce bas monde. Celui qui ne retient pas sa langue dans ce bas monde. Celui qui opprime dans ce bas monde. Celui qui accuse injustement dans ce bas monde. Aura affronté ce jour-là. Il est plus facile de s'humilier dans ce bas monde et de demander pardon, de s'excuser, plutôt que de venir défier Allah subhanahu wa ta'ala le jour des comptes, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, celui qui a tout su. Le serviteur oublie combien de bonnes actions il oublie dans ce bas monde. Que dire alors des péchés? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous lit dans son livre: Ahsahu Allah wa nasu. Allah a tout enregistré et eux ont oublié. Et eux ont oublié. Donc il faut faire ses comptes. Il faut apprendre à s'excuser aux gens qu'on a opprimés. Il faut demander pardon. Il faut que ce soit le comportement du croyant. Quant au kibr, c'est le comportement du shaitan et de tous ceux qui ont une ressemblance avec lui. Al-kibr, al-takabbur, c'est un comportement vil, blâmable, et qui amène le déshonneur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Même si le diable fait penser à la personne qu'elle a de la fierté ou de la noblesse, ou qu'elle est meilleure, ou qu'elle est trop haute et noble pour se rabaisser, ou toute autre réponse diabolique que Shaitan peut nous dicter. Ainsi, le fait d'arriver chez Allah avec ces injustices-là sera comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam: al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, ça sera les ténèbres le jour de la résurrection. Donc il nous faut nous rappeler ce jour-là. Il nous faut savoir que ce jour-là, on ne pourra plus se racheter. On ne pourra plus se corriger. mais il faudra quand même rendre le droit. Et ces droits-là, on s'en acquittera avec des hasanat et des sayyi'at. Et comme nous l'avons vu dans différents cours, celui qui, à la fin du jugement, il lui reste une hasana, il entrera au paradis. Ce jour-là, il refusera de donner ses hasanat à ceux qui l'ont mis au monde, à ses proches parents, à ses frères et sœurs, à tout ce qu'il a aimé, ce pour qui il se battait dans ce bas monde, ses enfants, l'épouse, les parents. Et lui, il n'aura pas voulu donner à ses plus, aux gens qu'il a aimé le plus, ceux pour qui il se battait, pour qui il travaillait, mais il aura donné cela peut-être à ses ennemis parce qu'il les a opprimés. Allahu Akbar. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs comme Sofiane al-Thawri et autres, rahmatullahi alayhim, disaient: si j'avais voulu donner mes hasanat, je les aurais donnés à mes parents. C'est-à-dire, si j'avais été un adepte de la médisance, j'aurais parlé sur mes propres parents. Ils sont plus à même de recevoir mes hasanat que les autres. Donc nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas suivre les passions et méditer ces textes qui nous font montrer qu'Allah est Ad-Dayyan et qu'on aura à revenir vers lui un jour qui sera terrible, un jour où tout sera exposé, un jour où personne ne pourra se cacher derrière personne, personne ne pourra s'excuser, mais il ne restera que les hasanat et les sayyi'at. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Aujourd'hui, la personne peut encore agir, mais demain, elle ne le pourra plus. Aujourd'hui, elle marche sur la terre, demain, elle sera dans sa tombe. Donc ces textes-là, il ne faut pas les remettre à plus tard, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'heure viendra. On ne sait pas lorsque notre heure à nous également viendra. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Innahu at-tawwabur rahim wal ghafurur ghaffar. وروى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, tout comme le rapporte l'imam Muslim selon Abu Huraira: assurément, vous vous acquitterez de vos droits au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Si bien que même la brebis sans corne trouvera réparation auprès de la brebis cornue. La brebis sans corne qui avait été frappée, qui avait été frappé, agressé par la brebis ayant des cornes, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera des cornes le jour de la résurrection pour qu'elle reprenne son droit, pour qu'elle reprenne son droit sur la brebis cornue. Allahu Akbar. Tout en sachant que les animaux ne sont pas responsables. Tout en sachant que les animaux ne sont pas responsables. Malgré tout ça, Allah tabaraka wa ta'ala nous montrera de cette justice. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous montrera de cette justice. Et Abd al-Razzaq, rahimahullahu ta'ala, dans son tafsir, mentionne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahayhi illa umamun amthalukum. Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne dans le Coran qu'il n'y a pas une bête sur la terre, ni qui vole, ni un oiseau qui vole avec ses deux ailes, sans qu'il n'y ait des communautés semblables. Abu Huraira dit: إن الله يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان ثم يقول للبهائم والطير والدواب كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أبو هريرة رضي الله عنه nous dit: Allah ressuscitera les créatures, toutes les créatures, toutes les bêtes, tous les oiseaux, tous les humains. Et il dira aux bestiaux, aux oiseaux et à toute autre bête, soyez désormais poussière. À ce moment-là, le kafir dira, que n'eus-je été poussière? J'aurais tant aimé être poussière. C'est-à-dire avoir la même finalité que les animaux, ni paradis, ni enfer. Mais au moins je n'entre pas en enfer. Subhanallah, les animaux qui auront cette finalité-là, même eux, Allah Azza wa Jalla leur donnera leur droit. Que dire alors? Que dire alors de la justice qui sera établie envers l'opprimé parmi les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Penses-tu que tu manges la chair du musulman? Penses-tu que tu manges la chair de la musulmane? Penses-tu que tu assistes à des assises de colportage, de médisance? À des assises où tu souilles l'honneur de tes frères et sœurs? Puis que cette affaire-là disparaît, qu'elle est pliée et oubliée, et que le temps efface les fautes et les péchés? Détrompe-toi. Allah, c'est Ad-Dayyan. Allah est Ad-Dayyan, le rétributeur. Tu auras à revenir vers lui au Yawm al-Qiyamah et tout cela sera déployé, exposé et chacun restituera le droit d'autrui. Chacun restituera le droit d'autrui. Celui qui a volé, qui a pris le bien des autres, celui qui a trompé et trahi, celui qui ne donne pas le salaire des employés, ou volent une partie de leur salaire. Celui qui ne dépense pas pour son épouse, ne dépense pas pour ses enfants. Celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses parents. Il aurait convenu de les mentionner avant. Tous ces gens-là, ceux qui volent, qui trichent, qui agressent les faibles, qui nuisent à l'honneur et spolient les biens de l'orphelin, pensent-ils que le temps fera disparaître ces crimes, ces péchés, ces nuisances, ces tristesses infligées, ces humiliations commises? Non. Allah, c'est Ad-Dayyan. Tu seras ressuscité, tu seras amené à comparaître devant Allah. Et on va prendre de tes hasanat et on va les redistribuer à ceux que tu as opprimés. Et s'il ne reste plus de hasanat, ils vont se décharger en péché sur ta personne jusqu'à ce que tu tombes en enfer. Wal-iyadu billah. Fan-nadam, an-nadam, wa-tawba, ta-tawba. Il faut regretter pendant qu'il est encore temps et se repentir pendant qu'il est encore temps. Wa-inna lillah, wa-inna ilayhi raji'un. Puisse Allah nous aider à un repentir sincère. Et cela rejoint le sens de la parole du poète. أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الدين نمضي أو نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. Et ce qu'on vient de mentionner nous rappelle les propos du poète. Par Allah, l'injustice est certes une abjection. Et celui qui agit mal ne cesse d'être injuste. Nous avancerons vers un rétributeur le jour de la rétribution. Et les adversaires se rassembleront auprès d'Allah. Et les adversaires se rassembleront devant Allah. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ila dayyani yawm ad-dini namdi. وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ. C'est vers le rétributeur, le jour des comptes, que nous nous dirigeons. Et auprès d'Allah, les gens en divergence ou ceux qui se disputaient, les adversaires, na'am, se rassembleront. وَمِنْ كَمَالِ مُجَازَاتِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ للفصل بين العباد. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. de par la perfection de la rétribution du Seigneur, exempt soit-il de tout défaut, en ce jour, le jour des comptes, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, na'am. Parmi ceux qui nous montrent cette perfection dans les comptes et la rétribution, le fait qu'Allah viendra lui-même, tabaraka wa ta'ala, en ce jour. En ce jour, Allah Azza wa Jal viendra lui-même pour juger entre ses serviteurs. Pour juger entre ses serviteurs. Et elle m'a dit, la venue est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sied à sa perfection. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. C'est-à-dire que les anges seront en rang et ils entoureront la place du jugement dernier. Rang par rang, humiliés devant le Seigneur des mondes, par respect, vénération de celui-ci, subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. On amènera l'enfer sur la place du jugement dernier. Les créatures la verront. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, on amènera l'enfer. Le jour de la résurrection, il aura 70 000 chaînes. Pour une seule chaîne, il y aura 70 000 anges. Ils la tireront. Allahu Akbar, l'enfer sera amené. Elle aura des cris, des cris. Et son combustible sera les gens et les pierres. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Il aura des regrets, il se rappellera ce qu'il a fait et n'a pas fait. Mais à quoi lui servira de se souvenir? C'est dans ce bas monde qu'il faut se souvenir. C'est dans ce bas monde qu'il faut agir et ne pas avancer insouciant. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Donc ses regrets viendront, mais ils ne serviront plus à rien. Ils ne serviront plus à rien. فَتَفَكَّرْ أَيُّهَا الْعَبْدُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ وَتَذَكَّرْ أَنَّ رَبَّ سُبْحَانَهُ دَيَّانِ وَأَنَّ الْحُقُوقَ ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلها وأنما ثم في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات. Médite, ô toi le serviteur, de ce qu'il se passera en ce jour terrible. Réfléchis, ô toi le serviteur. Dans ce grand jour, il se passera des choses immenses. Et souviens-toi que ton Seigneur, exempt soit-il de tout défaut, est Ad-Dayyan, le rétributeur. Et que les droits seront restitués aux ayants droit en ce jour. Et qu'en ce jour, il n'y aura rien d'autre si ce n'est les bonnes actions et les mauvaises. Comme il a été dit dans le vers de poésie, تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. Souviens-toi d'un jour où tu te présenteras seul chez Allah. La balance de la justice sera établie ou mise en place. Les voiles des actes de désobéissance seront déchirés. Les voiles des actes de désobéissance seront déchirés. Et le péché viendra sans aucune chose pour le cacher. Sans aucune chose pour le cacher. فاللهم اجرنا من خزي يوم الندامة ومن الفضيحة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'avilissement du jour des regrets, de la honte, du dévoilement du jour de la résurrection, le jour où ni